Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Prudence, quel est ton sujet ? Bonjour Lucille, alors aujourd'hui on va parler d'emprise. C'est un terme qu'on entend de plus en plus dans le débat public et pour ma part je préfère l'expression de contrôle coercitif, qui est plus expressive. Le contrôle coercitif, il est défini comme une forme insidieuse et continue de violence, souvent dans un contexte conjugal, est principalement constitué de micro-agressions répétées au quotidien. Il s'attaque précisément au fait de déposséder la victime de sa capacité à penser en autonomie, en la dévalorisant, en lui rabâchant qu'elle ne sait rien faire, qu'elle est rien sans lui, etc., en l'isolant de ses proches qui pourraient l'alerter aussi sur le comportement du conjoint. Et donc, finalement, en l'aliénant totalement. D'autre part, ce contrôle coercitif, il réduit les moyens d'action de la victime, en l'affaiblissant moralement, en l'intimidant, en la menaçant de ne plus voir ses enfants, ça c'est assez récurrent, et enfin en créant une dépendance économique. Les auteurs ont recours à différentes stratégies, l'isolement, la privation de ressources, la culpabilisation, l'intimidation, la dévalorisation et aussi la confusion. Ce concept de contrôle coercitif a été pensé par Andrea Grueve-Vintila, universitaire, et ce concept a été consacré par la cour d'appel de Poitiers, grâce à Gwenola Jolicoze, qui est magistrate et première présidente de cette juridiction. Elle a eu l'idée de mettre en place des audiences spécialisées avec des juges spécialisés pour les affaires de violence conjugale. Dans 4 arrêts rendus en janvier 2024, donc c'est relativement récent, la magistrate met en lumière l'articulation entre les infractions pénales et ce concept psychosocial de contrôle coercitif. Elle explique que cela n'a pas de sens de prendre un par un les différents comportements. Au contraire, il faut les mettre ensemble pour comprendre le mécanisme et la gravité des faits qui constituent un véritable système d'asservissement et d'usure. Elle en parle en ces termes-là. En isolant les comportements, ils sont certes punis comme harcèlement, menace de mort, violence habituelle par exemple, mais cela ne permet pas de comprendre l'environnement hostile que ça crée et qui explique bien souvent ce qu'on reproche ensuite aux victimes avec des réflexions telles que « mais si c'était si terrible, pourquoi vous n'êtes pas parti avant ?» Et concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de comportements constitutifs de contrôle coercitif ? Oui, tu l'as compris, sont visées les stratégies développées au sein du cercle fermé de la conjugalité ou de la famille, destinées à contrôler et à dominer le quotidien de celles ou ceux qui les subissent, par des pressions, des surveillances, des restrictions arbitraires, avec pour finalité de les asservir et de les soumettre au pouvoir de leur agresseur. Concrètement, cette magistrate, dont j'ai parlé juste avant, elle identifie, elle décortique un système mis en place par l'un des prévenus pour surveiller son épouse et liste les choses suivantes qui se cumulent. L'espionnage par le mode enregistreur du téléphone portable, le suivi des déplacements par GPS, l'envoi de SMS à répétition, les enfermements au domicile, le contrôle des linges et sous-vêtements, et aussi tout un tas de réveils la nuit à des fins d'interrogatoire. Autant de techniques finalement d'usure et d'épuisement, génératrice d'un processus de banalisation qui s'achève par l'expression d'un droit à la violence physique. Toutes les situations dans lesquelles s'exercent des violences physiques comportent par ailleurs des violences psychologiques qui se sont installées plus tôt dans la relation. Et ça, nous, on le voit quand même souvent dans les entretiens individuels. Oui, notre rôle, c'est justement de sensibiliser sur ces comportements qu'on pourrait minimiser en les prenant individuellement, mais comprendre qu'ils composent un système est essentiel. Il est essentiel pour les professionnels au contact des victimes. Je pense notamment aux professionnels de santé, aux magistrats, aux travailleurs sociaux. Mais essentiel aussi et surtout pour les victimes elles-mêmes, pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Parce que bien souvent, elles ne se rendent pas compte de l'emprise qui existe. Et c'est utile pour remettre les responsabilités là où elles se trouvent. Les victimes ont tendance à beaucoup culpabiliser de ne pas être parties plus tôt. Il s'agit de comprendre que ce système les a empêchées, qu'il ne s'agit pas d'une question de bonne volonté, et que seul l'auteur des violences se rend coupable de ces violences. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce terme de contrôle coercitif. Et puis on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous, à bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.